Ce vendredi, à La Vie en BD, une édition 10e anniversaire pour le Nicolas de Pascal Girard, La Foire aux démons de Draco et Tarasque, un regard sur Dr. Sketchy Québec et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous comme à l'habitude jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour porter un regard sur la bande dessinée. Beaucoup de belles rencontres cette semaine, notamment, j'avais très envie de jaser avec Pascal Girard, ça va se faire en deuxième partie d'émission, autour de la 10e anniversaire de son Nicolas, avec une sortie conjointe du côté anglophone et francophone chez Drawn and Quarterly et chez Mécanique Générale. Un album que j'avais trouvé absolument superbe à l'époque où je l'avais lu initialement, ça fait déjà quand même plusieurs années, et genre d'album des fois, avec toutes les sorties, surtout quand on anime une émission, dans mon cas, je suis un peu pris dans les sorties récentes, mais j'ai peu le temps parfois d'aller relire des vieux trucs que j'avais aimés, vieux étant toute chose relative évidemment, parce qu'on parle juste de 10 ans dans l'absolu, mais quand même, et je l'ai relu cette semaine, et en plus avec ma situation existentielle qui a évolué, j'ai des enfants désormais comparativement à l'époque où je l'avais lu initialement, et ça me rentre encore plus dedans. Un récit absolument brut, absolument superbe, vraiment, Pascal Girard qui, avec essentiellement son deuxième album BD, avait lancé un coup de circuit absolu, et j'avais envie d'en parler aussi pour voir de quelle manière, lui, il est entré en relation à nouveau avec ce livre-là, avec ce qu'il y proposait. On parle quand même de la mort de son frère, c'est un sujet quand même assez dense, et de quelle manière il se l'est réapproprié aussi pour ajouter un nouvel épilogue, si on peut dire, à tout ça, dans la nouvelle édition. Alors, on va en jaser avec lui tout à l'heure. Également, en fin de parcours, une activité qui roule quand même depuis un certain temps du côté de Québec, c'est Dr. Sketchy. Ça roule aussi ailleurs, remarquez, il y a à peu près 100 villes qui sont dans la mouvance. Il s'agit de la soirée de modèle vivant, mais du modèle vivant sexy, donc où on va chercher une collaboration avec la sphère du burlesque. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt? Il y en a un, évidemment, puisque ça marche beaucoup, ça marche bien, un peu partout à travers le monde. Alors, on va en jaser avec l'initiateur du chapitre de Québec, Simon Trudeau. Ça va être en toute fin d'émission. Et dans quelques instants, d'à peu près quoi, 4-5 minutes, on va jaser avec Tarasque, le scénariste de La Foire aux démons, une série auto-éditée qu'il mène de front avec son frère Draco depuis déjà quelques années. On en est arrivé à un troisième tome dans un univers médiéval fantastique qui se ficelle au fur et à mesure des sorties, au fur et à mesure des années également. Alors, j'avais envie de faire le point autour de ça, surtout dans un contexte où je trouve que je prends pas toujours suffisamment de temps ici pour parler de l'auto-édition. Et je m'offre à l'occasion des opportunités de le faire. Et donc, ça en sera une également aujourd'hui. Alors, c'est notre menu pour cette semaine de manière un peu plus détaillée. Dans l'actualité BD cette semaine, un peu un incontournable, en fait, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, la CBD, a dévoilé un peu plus tôt cette semaine par voie de communiqué la liste des 3 finalistes au 2e prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise. Alors, finalistes qui sont en ordre un peu aléatoire, La Demoiselle en blanc de Dominique Parenteau, Le Bœuf et Eleanor Goldberg chez Mécanique Générale, La Femme aux cartes postales de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement du côté de la Pastèque, et enfin White Horse, première partie de Samuel Quentin aux éditions Pawpaw. 3 titres qui ont donc été sélectionnés par les membres de l'association parmi les quelques 154 bandes dessinées publiées au Québec entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016. Et pour contextualiser, je vous rappelle que l'objectif de ce prix, c'est d'assurer une reconnaissance internationale annuelle pour la bande dessinée québécoise. Une reconnaissance qui vise à mettre de l'avant, évidemment, la créativité, la diversité, la richesse de la production d'ici, au-delà des frontières du Québec. On parle quand même d'une association qui regroupe 85 journalistes et critiques de bande dessinée en France, en Belgique, au Québec, évidemment, et ailleurs. Ce qui est cherché à être mis de l'avant, si on peut dire, à travers ce prix-là, c'est un peu l'image du Grand Prix de la critique ACBD. Donc, c'est l'idée, je cite, de soutenir et mettre en valeur dans un esprit de découverte une bande dessinée publiée en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou les moyens que l'auteur y déploie. Et évidemment, selon les journalistes québécois et autres de l'association, ce sont trois titres qui répondent joyeusement à ces critères. Et puisqu'on est dans le circuit des récompenses, je mentionne au passage que le prix Ouest France Quai des Bulles, les finalistes ont été annoncés pour l'édition 2016, une récompense qui va être décernée le samedi 29 octobre prochain dans le cadre de cet événement de Saint-Malo. Alors, il s'agit donc les cinq finalistes de l'Adoption, tome 1 de Zidrou et Arnaud Motin, de L'été diabolique d'Alexandre Cléris et Thierry Smolderen, de Juliette de Camille Jourdi, du Piano oriental de Zeyna Abirached et de Vive la marée de Pascal Rabaté et David Prudhomme. Et autre récompense également, c'est le festival Boom BD qui lui a annoncé c'est nominé. J'y vais pas dans le détail parce qu'il y en a quand même plusieurs prix, beaucoup de nominés également. Alors, essentiellement, on parle de belles suggestions de lecture, notamment fait pour leur prix, un prix qui a une portée citoyenne, où on va chercher, par exemple, S'enfuir, récit d'un otage de Guy Delisle, ou l'anniversaire de Kim Jong-il de Aurélien Ducoudray, ou encore le grand A de Xavier Bettencourt. Ils ont un prix également pour l'enseignement jeune public, où là, on parle de Chloé Ducrochaudet, entre autres, avec La poudre d'escampette, du Chasseur de rêves de Martin Desbas. On a un prix également pour une bande dessinée 10-14 ans, donc là, on parle, par exemple, de Mathieu Bonhomme, avec L'homme qui tue à Lucky Luke, des enquêtes polaires de Philippe Lomar, de Dominique Zay, Greg Blondin, David Gouttière, de Chlorophylle de Jean-Luc Cornette et René Haussmann et d'autres. Et voilà, donc plusieurs prix. Évidemment, c'est des choses, d'ailleurs, je le mentionne, qu'on a relayé au fil des semaines sur notre page Facebook, facebook.com/likibd. Donc, vous pouvez toujours aller y faire un tour si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ces éléments. Et pour les prix ACBD, mais vous pouvez les trouver sur mon blog, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors voilà pour ces petits clins d'œil. En musique cette semaine, c'est la formation Creative Reality 17, ou 17 probablement, puisque c'est en anglais, qui nous accompagne avec leur album Images, et on écoute un premier extrait, Gaming Journey. Et voilà, petit univers assez, ma foi, cocasse peut-être au niveau auditif. Alors, c'est ce qu'on vous proposera cette semaine au fil de l'émission qui nous accompagnera au fil de ces différents segments. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie de Tarasque, scénariste de La Foire aux démons. Bonjour. Bien le bonjour. Alors, troisième tome de cette série intitulée La Foire aux démons, le tome 3, Enténébré. Ça nous place dans un univers médiéval fantastique. En tout cas, c'est les deux termes que j'utiliserais pour le présenter. Je laisserais peut-être nous parler un peu de manière plus détaillée de cet univers-là avec lequel vous vivez depuis quand même déjà quelques années. Eh bien, l'univers en soi qui est médiéval fantastique est aussi à ton humoristique et absurde. Alors, on veut quand même être un peu déjanté avec cet univers-là. Principalement, l'univers raconte sur deux personnages principaux, disons, que nous alternons au fur et à mesure. Alors, nous avons un premier personnage qui est Détritus le sorcier, qui a comme ambition très simple d'atteindre un lieu interdit, un lieu méconnu ou un lieu un peu étrange et tout, pour trouver ce qu'il a pu croire et entendre parler de la forteresse démoniaque, la foire aux démons, qui est son objectif ultime. Il veut absolument

une compilation dans Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, ben évidemment c'est délicieux tout ça. J'avais beaucoup aimé aussi son récit Goliath, en fait, où il s'amusait à réinventer une situation, à offrir un autre point de vue, et c'est un peu peut-être plus dans la continuité de Goliath Moon Cop, continuité thématique d'abord, continuité graphique évidemment, parce que ça reste le style à caractère minimaliste de Tom Gold. Et dans ce cas-ci, ben, on se retrouve à suivre le parcours d'un policier qui travaille sur la Lune. C'est l'unique policier sur la Lune. Et dans une situation où on est un peu dans un futur nostalgique, en fait, dans l'idée où qu'on a eu il y a quelques décennies de ça, où ce serait cool d'aller habiter sur la Lune. Et dans ce cas-ci, ben, on se retrouve littéralement à vivre sur la Lune. Alors, comment ça se passe? Évidemment, c'est pas si joyeux que ça, mais il n'y a pas vraiment d'atmosphère. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça non plus. Et évidemment, à la longue, après la frénésie des premières années, ben, ça s'est calmé et peu à peu les gens quittent la Lune et le policier en question, lui, est arrivé vers ce travail-là un peu sur la fin, dans le fond, comme il le dit en cours de route, ben, la fête est un peu terminée, il arrive simplement pour fermer la boutique et c'est presque ce qui se passe. Donc il est presque seul, évidemment il y a un taux de succès de 100% dans les solutions qu'il apporte au crime, puisqu'il n'y a aucun crime, il y a à peu près personne, et à travers tout ça, il se pose des questions sur son travail, il se pose des questions sur la nature de sa vie, sur son utilité. Évidemment, pas de manière nette, matelassée et soulignée à grands traits, mais de manière très subtile. Puisque, dans le fond, les questions qu'il soulève, ce sont nous qui les soulevons pour lui, parce que nous, on imagine qu'il se les pose lui-même. Et on le suit, dans le fond, dans son quotidien. Ça donne un récit vraiment à dominante de bleu, à dominante de gris. Un récit qui est un brin déprimant, qui est drôle, mais pas drôle, ou un drôle dans lequel on sourit continuellement, sans nécessairement de grands éclats de rire, mais un humour vraiment qui est fin, qui est intelligent, qui est agréable, qui est savoureux. Et c'est véritablement, je pense, un livre qui est absolument superbe, qui mérite d'être regardé, d'être feuilleté, d'être lu. De manière générale, j'aurais envie d'élargir et dire, si vous ne connaissez pas Tom Gold, vous manquez quelque chose. Si vous aimez un humour absurde, un humour intellectuel aussi quand même, vous allez aimer ce qu'il offre. Et si vous avez apprécié ce qu'il faisait, que ce soit sur Facebook ou dans Vous êtes tout jaloux de mon jetpack, mais vous aviez envie d'avoir un peu plus de chair autour de votre os, au-delà de ces courts gags-là, eh bien, avec Goliath et maintenant avec Moon Cop, Police Lunaire, eh bien, vous allez aussi trouver votre compte. Alors, évidemment, vous l'aurez deviné, je vous le recommande de manière, ma foi, fort chaleureuse. Alors, voilà, donc, Police Lunaire, Moon Cop, chez Dwan & Quarterly en anglais et chez Alto en français, donc, de Tom Gold. Regard sur différentes sorties récentes ici à La Vie en BD. Je vous rappelle qu'on est avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver en balado-diffusion l'ensemble de nos émissions. C'est sur lavieenbd.wordpress.com. Et sorties toutes récentes, simultanées du côté francophone chez Mécanique Générale, du côté anglophone chez Dwan & Quarterly. Il s'agit de la réédition, 10e anniversaire, on pourrait dire ça comme ça, du Nicolas de Pascal Girard. On avait envie d'en jaser avec son auteur, Pascal Girard, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, en fait, d'emblée, qu'est-ce qui a mené peut-être un peu à l'idée, à ce projet d'une réédition pour les 10 ans de l'album? Ben, je pense qu'il était juste, il était plus disponible en anglais. C'est John Crowley qui m'a approché pour dire, ça fait un bout qui était plus disponible, qui était épuisé, puis qui ont dit, on va le réimprimer, mais on va attendre que ça soit un petit peu plus, que c'est pas de nouveauté ou entre deux livres. Donc, c'était le bon moment. C'est juste, c'est la raison, en fait. Et de ce désir-là de le rééditer, à un moment donné, on s'est dit, on va intervenir sur le livre, on va rajouter, dans le fond, un nouvel épilogue, si on peut dire, à Nicolas. Ouais, mais c'est encore chez John Crowley où ils m'ont dit, c'est l'éditeur, Chris, qui m'a dit, on pourrait peut-être ajouter si t'as du matériel de plus ou quelque chose, une introduction. Puis là, je vais peut-être essayer quelque chose. Puis après, j'ai essayé de faire une histoire en fait, un peu de la même façon que je l'avais fait pour ma première édition. Puis c'est comme ça qu'on a ajouté de plus. Et j'imagine que le fait de pas simplement rééditer, mais d'avoir à intervenir sur le récit, est-ce que ça force 10 ans plus tard, ou 9 ans, j'imagine, dans le contexte du travail accompli, mais que ça force un regard différent, peut-être une relation différente avec l'album, parce qu'on sait que c'est pas juste quelque chose qu'on laisse aller maintenant, qui nous côtoie, mais c'est quelque chose sur lequel on doit vivre encore, peut-être un peu dans le ton, dans l'esprit de cette création-là, une nouvelle fois. Ouais, ben c'est ça que quand j'avais fait le livre la première fois, c'est en 2005. Et puis dans le temps, je venais juste de commencer à dessiner, j'étais pas encore publié. J'avais pris un sujet, c'était sur la mort de mon frère, mais j'avais dit, je vais faire un livre, je vais faire un exercice pendant une fin de semaine, je vais raconter quelque chose le plus simplement possible. J'ai pris un sujet que je connaissais, qui était le sujet de la mort de mon frère, mais le but, c'était juste d'avoir une histoire que je maîtrisais bien. Puis je l'ai fait, puis ça a été publié, puis il y a eu une réception. Mais c'est sûr qu'après 10 ans, après d'autres livres, après les hauts puis les bas, puis des réceptions, des critiques, des lecteurs, ben c'est sûr que j'ai essayé de travailler un peu de la même façon, reprendre l'histoire de parce qu'il y a 10 ans depuis le premier livre. Donc j'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans par rapport à ce deuil-là, parce que c'est toujours comme une sorte de cicatrice, puis j'ai fait une histoire avec ça, mais c'est sûr que même si j'essaye de raconter le plus honnêtement possible, maintenant je sais que les histoires peuvent être publiées, ou il y a des lecteurs qui peuvent lire ça, qui à un moment, il n'y en avait pas, donc ça fait toute la différence, en fait. Oui, en fait, je pense que d'ailleurs j'avais lu une entrevue où tu disais le fait de pas savoir que ça allait être lu, parce que même au départ, je pense que comme tu disais, c'est un exercice, c'était même pas destiné à être publié, et que sans ça, t'aurais pas réussi à être aussi honnête, aussi brut, aussi à te livrer aussi intimement, je pense en fait, sur les planches, sur les pages. Pardon, mais je pense pas, non. Je pense pas que j'aurais pu. Je sais pas, quand tu commences ou quand t'as pas de lecteur, peut-être c'est différent, puis le dessin est tellement brut dans la première histoire, puis ce que j'avais raconté, donc je me disais, j'étais moins conscient, mais je pense qu'en même temps, maintenant, en étant plus conscient aussi, je trouve qu'avec la nouvelle histoire que j'ai écrite, j'en dis peut-être encore plus que j'en avais dit la première fois, donc je sais pas si en même temps. Je sais pas si c'est aussi honnête, parce que là, après, je connais le langage de la bande dessinée un peu plus, je le maîtrise un peu plus. Je sais comment ça va être lu un peu plus, je sais un peu comment faire de l'humour, je sais comment retourner une situation, donc c'est. Je sais pas si c'est à le même niveau, mais sur le niveau d'honnêteté, peut-être que ça l'est, mais ça l'est un peu moins dans le dessin ou dans la mise en scène, dans une façon que je suis plus conscient. Parce qu'on joue quand même, en fait, tu le dis, avec la mort de ton petit frère, en fait, d'un de tes deux frères, finalement, Nicolas, ouais. Qui, lui, souffrait d'acidose lactique pendant son enfance. Et surtout, en fait, c'est sur l'impact que ça a eu. Et l'épilogue aussi, comme tu disais, on voit un peu l'impact que ça a toujours de ce deuil-là. Et est-ce que, dans le fond, c'était un peu une volonté thérapeutique. En fait, tu disais, c'est une volonté d'aller chercher quelque chose que je connais, de le mettre sur la page. On aurait pu s'imaginer aussi que faire Nicolas il y a 10 ans, ça aurait été thérapeutique. Mais j'ai lu à quelque part, tu disais, finalement, ça l'a pas été du tout. Non. Non, c'était même pas ça le but. De toute façon, au début, c'était juste d'avoir une histoire que je maîtrise, qui était assez chargée, d'avoir des moments assez chargés émotionnellement pour faire une histoire intéressante. Mais c'était pas thérapeutique. C'était vraiment quelque chose. J'étais plus excité par le langage de la bande dessinée à l'époque. Ça l'était. Après, maintenant, je le suis peut-être un peu. Ben, je le suis encore, mais pas de la même façon. Mais non, je pense pas que c'est. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a que c'est pour eux, c'est thérapeutique. Pour moi, ça l'est pas tant que ça. Le dessin en tant que tel, oui, mais raconter ces affaires-là, non. Dans le fond, c'est l'idée d'une transposition d'émotions que tu vivais, puis d'émotions qui sont quand même assez fondatrices aussi, de ce que j'en comprends dans ton parcours, dans ta vie, dans tes défis aussi. Ouais. Ouais. Ouais, je pense. C'est ça, mais ça. En tout cas, peut-être ça allait pour certaines personnes, mais pour moi, ça ne l'était pas quand j'ai fait le livre. Après la réception, je veux dire, je pense que ça allait pour. En tout cas, pour certains lecteurs ou lectrices, ça, c'est bien, je pense, comme ça. Comme certains livres ou certains films ou pardon, la, des horreurs qui peuvent être fiction ou non fiction ou pas fiction, qui peuvent être thérapeutiques pour moi, mais pas ça. Non, ça, puis de toute façon, en fait, au-delà de l'aspect thérapeutique ou non, je pense que l'aspect émotif est là, lui, en fait, le côté brut, évidemment, aussi, on le mentionnait à travers tout ça. Et en parallèle, en fait, donc qu'est-ce qui t'a amené pour l'épilogue à aller vers ton autre frère, vers Joël, vers voir un peu, parce qu'on en parle peu dans le Nicolas original, mais on se rend compte aussi avec le nouvel épilogue que il y a une dynamique aussi qui est venue influencer la relation que vous avez ensemble. C'est ça que tu as décidé d'explorer. Mm-hmm. Est-ce que c'était ton idée au départ? Puis sinon, ben, qu'est-ce qui t'a amené vers cette idée-là? Ben, je sais pas. Je me suis comme dit, je vais faire quelque chose d'assez rapide, je vais faire des pages, puis je vais improviser, puis voir si ça se tient debout. Puis j'ai commencé à faire des pages, puis rapidement, ça s'est tourné vers la relation avec mon frère, mon autre frère, puis j'ai comme... Je pense que j'ai compris là que je vais aller vers ça. Puis ça a été conscient après quelques jours de travail, là, mais au début, quand j'ai dit je vais faire une nouvelle histoire, non, c'était pas ça le but, puis ça l'est devenu. Donc c'est un peu une sorte de... Pardon, c'est un peu comme une sorte de c'est aussi une sorte de... Ben c'est pour le lecteur, mais c'est aussi une sorte de lettre à mon frère qui est vivant, mais on n'est pas dans une relation très proche, donc ça... Puis c'est sûr que ça a peut-être été influencé par la mort de mon autre frère, donc parce que c'est peut-être ce que je dis en mettant les deux histoires ensemble. Ça, je ne sais pas, tout ce qui est dans l'histoire, dans ces histoires-là, est assez tellement proche, ou c'est pas comme si j'avais toujours un recul par rapport à ces histoires-là, donc même, j'ai pas vraiment regardé les histoires mais depuis ce temps-là, mais je pourrais avoir un regard différent aujourd'hui, ou des choses où je pourrais y lire mais je veux dire, j'ai pas, même si je fais des pages là-dessus, j'ai pas un recul tant que ça parce que je suis encore dans ces histoires-là, en fait. Oui, en fait, ben, comme tu le dis aussi, je pense à différents endroits. En fait, la cicatrice est toujours là, est toujours ouverte. Le deuil, tu sais pas si tu l'as bien fait, si tu l'as fait, si tu l'as mal fait. Il y a une zone grise, si on peut dire, pour toi, en fait, qu'on perçoit, qu'on ressent autour de ça. Et j'imagine qu'il influence aussi le regard que tu vas porter sur tout ça. Ben, tu sais, je travaille à l'hôpital, je suis travailleur social aussi, puis je vois, bon, il y a plusieurs deuils, puis il y a différents types de deuils, puis je pense qu'il y a les étapes du deuil, ça peut être bien pour mettre un guide, mais des deuils, ça peut revenir, ça peut être, on peut le rouvrir, d'autres deuils vont comme provoquer d'anciens deuils, des fois, il y a des étapes qui se mélangent, je sais pas, il y en a qui vont dire, bon, c'est le deuil, le choc, la colère, tout ça, mais des fois, ça se mélange, des fois, tu peux penser que c'est fini, ou t'es rendu à l'étape 4 ou 5, mais tu retournes à l'étape 2, c'est pas aussi séquentiel. Je pense que certaines personnes peuvent le penser, ou des bons deuils, des mauvais deuils. Ouais, enfin, on a une idée des fois un peu coupée au couteau de la psychologie humaine qui est pas... Ouais. Ou dans le fond, on oublie que chaque humain est unique, finalement, comme tout le monde. Donc, Ouais, je pense qu'en général, je fonctionne bien, puis j'y pense pas. Bon, j'y pense assez souvent quand même, parce que ça fait partie de moi, mais je veux dire, j'agonise pas sur la mort de mon frère. Oui. Mais des fois, il y a des choses qui vont répéter. Mais la relation avec mon frère, qui est encore vivant, ça, c'est plus courant. C'est plus là que l'ancien. Et puis j'ai l'impression, en fait, en termes de matériel qu'on va proposer sur les planches, le fait de partir d'une émotion vraie, d'une réflexion véritable, ben, on parlait d'honnêteté tantôt, c'est aussi peut-être ce qui amène à pouvoir être aussi honnête, parce que c'est quelque chose qu'on vit, pas nécessairement, comme tu dis, à temps plein, mais qui est au fond de nous, qui est à quelque part, qu'on est capable d'aller chercher, parce que ça reste présent tout de même. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui est assez... C'est tout petit, c'est assez simple, il y a peu de dessins, les moments sont assez... C'est découpé très... deux, trois cases par page, puis c'est très simple, mais c'est aussi parce que si je pousse la mise en scène, ben là, je commence à développer là-dessus, puis là que la fiction embarque un peu plus pour moi, en tout cas. Mm-hmm. C'est pour ça que quand je fais des livres, en général, ça, même si je me mets en scène, des fois, je me mets... C'est de la fiction, en fait. Là. Oui, puis... À la limite, c'est ce qui fait aussi la force de Nicolas, cette œuvre-là, dans la mesure où c'est une suite de flashs, c'est une suite d'images, c'est des moments intenses qui suivent, qui s'assemblent aussi. Je sais pas, c'est ce qui fait la force, en fait, à mon sens, du moins, de cet ouvrage-là. Ah, merci. Mais c'est ça, je pense qu'au début, c'était vraiment, je me limitais. Le premier exercice, c'était de faire simplement, puis après, ben, en ajoutant les pages, c'était pour essayer de travailler un peu de la même façon. Parce que si j'avais fait un livre de 300 pages, je pense pas que ça aurait l'air de ça. Je sais pas si ce serait bien, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas S'arrêter à autre chose, en fait, tout simplement. Ouais, je pense que oui, ça serait plus ça, il y a une réflexion qui serait peut-être plus poussée. Peut-être qu'il y aurait certains moments où ça serait plus développé, mais je pense qu'en bout de compte, ça serait peut-être la même. Ça serait même les mêmes émotions qui passeraient, peut-être. Et évidemment, ben, les gens peuvent redécouvrir, si ce n'est déjà fait, ce livre-là, peuvent voir aussi l'éclairage additionnel que tu lui donnes si ils ont déjà lu la version originale. Et Pascal, en terminant, de ce que j'en ai compris, prochain projet qui s'en vient tranquillement du côté de la pastèque, où là, tu vas nous parler d'ours dans un récit pour enfants. ouais, je fais un livre, c'est un livre documentaire, en fait, c'est un peu un livre, c'est vraiment un livre sur les ours d'Amérique que je fais pour les enfants. C'est tout autre chose là, que de la bande dessinée. Mais je m'amuse à dessiner ça. Je fais ça cet automne j'ai quand même fait une sorte de pause de bande dessinée. Je dessinais, mais j'ai pas fait de bande dessinée depuis la dernière. Mm-hmm. La collectionneuse, je pense, en 2014. Oui, ça fait un petit temps, oui. Ouais, tu avais fait une bonne pause aussi avant la collectionneuse. Il me semble qu'il y avait eu un autre petit passage, une autre pause. Ouais. Mais je me laisse désirer, mais il va presque je me lancer sur une autre bande dessinée. Alors, ce sera à suivre. Et Pascal Girard, merci. Merci. À la prochaine. Bonne fin de semaine. Bye. Et toi aussi. Alors voilà, Pascal Girard, je rappelle, donc auteur de Nicolas Réédition du côté de Mécanique Générale en français, du côté de Drawn and Quarterly en anglais, Réédition avec également quelques petites bonifications. Ligne droite pour la vie en BD cette semaine ici à CKRL et on avait envie de porter un petit regard sur l'événementiel. On est parfois beaucoup dans des événements one shot, si on peut dire, donc qui arrivent une fois ou presque. Et il y a un autre événement qui est mensuel et qui existe depuis à Québec depuis déjà quelques mois. En fait, c'est commencé en début d'été. On avait envie de l'apporter à votre oreille si vous aviez pas vu ça passer. Il s'agit de Dr Sketchy Québec. L'initiateur du projet, Simon Trudeau, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Raymond. Dr Sketchy, du modèle vivant mais burlesque. Oui. C'est un concept qui existe dans à peu près une centaine de villes à travers le monde depuis 2005. Oui, ben Dr Sketchy, en fait, c'est une franchise qui est partie à New York il y a de cela quelques années, dans le milieu des années 2000, et puis qui a pris de l'expansion depuis ce temps-là, qui s'est répandue à plusieurs villes aux États-Unis, au Canada et même en Europe, mais pas à Québec jusqu'à cette année. Et puis, un peu sur un coup de tête, moi, une ancienne étudiante de français, on a décidé de partir ça. C'était quelque chose qui était juste assez underground. Il y avait une assez grosse scène de burlesque, une assez grosse scène d'illustration BD à Québec pour espérer partir ça. Puis là, ça fait 5 mois qu'on le fait. On va faire la 6e présentation à la fin du mois. Et j'ai l'impression, en fait, que tu étais un peu bien positionné pour le démarrer parce que tu es à la fois dans l'univers burlesque et à la fois dans l'univers du dessin. Donc, c'est le chef pour toi de faire le lien, le pont entre les deux. Il fallait un pont entre ces deux mondes-là. Ben oui, puis des fois, on se rend compte que, ben, ça, on est comme personne n'a mieux placé pour le faire, ben pourquoi ne pas le faire? Bien entendu, ça a été une aventure de partir ça, spécialement qu'on savait pas où faire ça, qui ferait ça. C'était une activité qui était tellement nouvelle à Québec qu'on n'avait pas d'idée quelle clientèle ça allait attirer. Mais ça a été plein de surprises, puis finalement on est bien bien content de ce que ça donne en bout de ligne. Oui, parce que la réponse, enfin, on voit les photos, il y a le groupe Facebook, vous avez à peu près une centaine de membres déjà. On voit des images, des soirées, des sketchs. Ça a l'air d'être déjà une communauté qui veut prendre vie, qui a déjà pris vie, puis les soirées ont l'air quand même d'attirer leur lot de personnes aussi. Oui, mais on a des récurrents, je dirais. Il y en a quelques-uns à chaque nouvelle édition de Dr Sketchy, on reçoit quelques habitués. Maintenant, on peut appeler ça comme ça, des gens qui sont là presque à toutes les éditions. Et puis quelques nouveaux, quelques curieux, puis des gens qui savent même pas qu'est-ce qui se passe et qui soudainement décident de s'asseoir et de prendre une bière en essayant de scribouiller ce qu'ils peuvent. Et des fois, on a des surprises absolument magnifiques. On a des artistes qui travaillent dans les boîtes de jeux vidéo ou qui viennent de l'école d'art de Québec qui débarquent un bon soir. C'est sérieusement effectivement, c'est très intéressant comme faune. Et dans le contexte, en fait, Simon, où à Québec, il y a quand même des activités de dessin. En fait, il y a eu des drink and draw, il y a eu des comic jam, il y en a encore. Il y a des ateliers de modèles vivants, des ateliers de croquis. Et qu'est-ce qui fait, comparativement peut-être au modèle vivant, parce que c'est ça à quoi vous vous rapprochez le plus. Je pense que oui. Donc, quel est l'avantage, quel est l'intérêt de se dire, OK, souvent le modèle vivant, c'est nu, c'est bon, plus classique, de dire, bon, quand on fait ça burlesque, on fait du modèle vivant, comme un peu le slogan de Dr. Sketchy Québec, du modèle vivant sexy. Oui, en fait, c'est un peu un running gag avec les organisateurs. C'est du Dr. Sketchy, c'est du modèle vivant plus habillé, mais plus sexy. Alors, on se rend pas jusqu'à la nudité complète, mais c'est un show. C'est un, même le modèle prend des poses comme dans un atelier de dessin d'après modèle vivant normal, mais les poses sont souvent un peu osées. On va des fois enlever des morceaux de vêtements au fur et à mesure que les poses se prennent. Et en plein milieu de la soirée, il y a un show. Il y a littéralement une performance burlesque sous vos yeux qui se fait. Alors vous rentrez, vous venez pour dessiner et soudainement vous avez un show en plus. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre le spectacle et le dessin d'après modèle vivant, en plus des interactions puis des concours qu'on fait pendant la soirée. Donc il y a le côté festif, en fait, qui vient le distinguer. Le côté, c'est pas guindé, c'est dans un bar, on prend de la bière, on s'amuse. Ah oui, il y a personne qui va vous regarder croche si vous toussez, là, c'est... Il y a le numéro, il y a la dimension spectacle. Et il y a le défi aussi du costume, dans le fond, de pas rendre simplement les formes du corps, les lumières, etc., mais d'aller jouer avec le costume, mais d'aller jouer avec le personnage aussi, parce ben que oui. Il y a eu des Catwoman, des Wonder Woman, des Team Rocket, etc. Il y a un jeu de personnification aussi. Ben oui, il y a un thème à chaque nouvelle édition, et on demande à chacun des performeurs, des performeuses, de se présenter avec minimum deux costumes, des fois trois, juste pour donner une variété, juste pour donner un personnage différent à dessiner à chaque... au moins deux personnages différents à dessiner à chaque édition. Et par personnage, ben, c'est large. Enfin, on a parlé de cosplay un peu, mais des fois, c'est aussi des attitudes, des personnalités qu'on va mettre de l'avant. Mm-hmm. Donc, dans des petits décors improvisés. Donc, encore là, on va chercher un peu... on va piger un peu dans les numéros, par exemple, dans les choses que les gens de burlesque ont fait, notamment avec Burlestacular, des personnages qui ont développé. Il y a beaucoup de nos artistes qui viennent directement de Burlestacular. Là, à la fin du mois, on a Nina Feather qui nous fait un programme double pour l'Halloween. Mais aussi, on veut déborder aussi du contexte strictement burlesque. On a déjà approché des drag queens. On a approché... En fait, je rencontre la semaine prochaine des artistes de cirque, des contorsionnistes. J'ai une chanteuse d'opéra aussi qui attend de se présenter. Il y a plein de disciplines. On aimerait ça élargir plus loin que ça, faire un spectacle encore plus vaste, plus varié et élargir les potentialités de dessin. Oui, ben en fait, parce que l'idée, c'est dans le fond de proposer des défis aux gens qui vont se présenter. Donc, qu'ils soient des artistes expérimentés ou qui commencent, ben, l'idée, c'est on a un défi pour vous, venez avec vos outils, essayez de le réaliser. Exactement. Puis il y a beaucoup, d'ailleurs, question outils, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la panoplie. On a des gens qui dessinent digital, on a des gens qui arrivent avec... On a eu 3-4 fois des personnes qui sont rentrées avec leur kit d'aquarelle ou d'acrylique et qui se sont mis à essayer de peindre en plein dans le bar. C'est un phénomène, c'est quelque chose à voir. Oui, puis c'est plaisant. J'imagine que la mixité des disciplines, la mixité des expériences amène aussi des échanges à l'intérieur de la salle. S'il y a une ambiance décontractée, c'est-à-dire que le monde se jase aussi, puis commente le dessin, donne des trucs. C'est une grande partie du fun de la soirée, c'est qu'entre les changements de costumes et après la soirée, il y a beaucoup de conversations entre les artistes. Il y a beaucoup de gens qui viennent se rencontrer, qui regardent les techniques des autres. On a quelques dessinateurs, je veux dire, des dessinateurs vedettes qui viennent plusieurs fois, qui sont venus plusieurs fois jusqu'à maintenant, puis qui sans vouloir dire qu'ils en montrent aux jeunes, mais la conversation se fait facilement avec eux, alors c'est une bonne manière de rencontrer des vétérans et des novices. Oui, puis j'ai l'impression que c'est comme ça aussi qu'on bâtit puis qu'on anime un milieu. Je veux dire, il faut que les gens se rencontrent, il faut se donner des contextes de rencontre. Il y a beaucoup de spectacles, mais on disait tantôt, il y a quand même beaucoup de trucs mensuels, mais il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça en même temps. Non, il y en a pas tant que ça mensuellement, puis c'est souvent des événements qui sont qui sont un peu difficiles d'accès ou que peut-être pas très bien publicisés. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a de plus en plus qui émergent et que il y a une demande, il y a une clientèle qui veut ça. Je parle pour Dr. Sketchy pour le dessin, mais aussi juste une clientèle burlesque, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Les drink and draw attirent toujours plusieurs personnes. Mais de ce que je comprends aussi, Simon, c'est que même au niveau mannequin, au niveau modèle, il y a une belle réponse, en fait. Il y a déjà un certain éclatement, il n'y a pas trop de... Il semble avoir un bon volontariat à ce côté-là aussi pour se proposer. Oui, il y a quand même quelques artistes, plusieurs artistes burlesques à Québec. C'est une famille, on les connaît à peu près toutes, mais c'est comme une grande famille. Là, on les retrouve avec plaisir quelquefois. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de rembaucher. Ah non, c'est pas vrai, il y en a une qui est revenue, mais elle est revenue avec un partenaire. Alors, c'était pas exactement la même chose. Oui, ça vous permet à la limite d'aller un peu vers le boylesque. Donc, de pas avoir, c'est parce que c'est pas seulement non plus des modèles féminins. Au départ, le concept peut être ouvert aussi à des modèles masculins. Oui, il y a même eu une demande spécifique pour savoir quand est-ce qu'on allait avoir un modèle masculin. Je pense qu'il y a de la clientèle pour ça aussi. Et donc, le développement se poursuit, évidemment. Est-ce que tu as l'impression, de ton côté, que c'est quelque chose qu'on pense à long terme? En fait, bon, le premier anniversaire va arriver plus en juin, mai-juin l'année prochaine, mais est-ce qu'on va essayer de se rendre à un, deux anniversaires, de faire évoluer ça au-delà de ça? Ben, c'est sûr qu'on se rend jusqu'à mai. Ça, c'est sûr. On a signé pour un an, avec la Ninkasi du Faubourg. Alors, on est... puis on manque pas d'artistes et d'idées jusque-là. On va probablement se rendre à 2 ans. Moi, je vise au moins 2 ans. Puis ensuite, on réévaluera. Mais moi, je m'attends à ce que les intéressés augmentent, les artistes présents augmentent. Alors moi, j'ai pas l'impression que ça va péricliter. J'ai l'impression au contraire que ça va grandir dans les mois et les années à venir. Et Simon, en terminant, tu parlais de franchise. Est-ce que le défi dans la franchise Dr. Sketchy, c'est de l'obtenir, ou après ça, pour la conserver, vous avez aussi des comptes à rendre? Ils sont remarquablement hands-off, comme il disait. Ils sont remarquablement peu impliqués dans le processus de maintenir la franchise. C'est juste que au début, la complication, c'est d'essayer d'obtenir le permis. Il faut parler avec New York, il faut avoir des contacts avec Mélissa, qui est la fondatrice. Mais on a passé toutes ces étapes-là, puis ils ont été très heureux de nous envoyer toute la documentation. Bon, j'ai dit que peut-être que je pourrais leur faire en français, parce que toute la documentation est en anglais. Ça attend toujours. Et je le rappelle, en fait, les rendez-vous, c'est toujours le dernier dimanche du mois. Donc, oui. Le prochain, c'est le 27 octobre. C'est ensuite, le 30. Le 30 octobre, le 27 novembre. Si. Alors, les deux prochains. Et si les gens veulent être en première ligne d'information, ben sur Facebook, le groupe Dr. Sketchy Québec. Dr. Sketchy Québec, groupe public, vous allez savoir tous les événements au moment où ils s'en viennent, et on va publier éventuellement un calendrier des événements à venir si vous voulez être intéressé. Simon Trudeau, donc initiateur et organisateur de Dr. Sketchy Québec, merci. Merci beaucoup. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine cette émission. La semaine prochaine, Guillaume Demers sera avec nous pour parler de Jérémy à le cœur qui tourne, Cab, pour parler du tome 2 d'hiver nucléaire. On aura des chroniques BD et plus. C'est Raymond Pareil au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.